défendre la même cause que mon père. J'ai doublé la dose que je mets dans mon fer. J'ai doublé la force que je mets dans mon check. J'ai beaucoup trop d'ennemis, beaucoup trop pour une vie. Y, elle fait parler de lui. J'ai ramené mon Glock et à force est devenu mon pote. Ma gueule, c'est le gardien de mes nuits. Tu veux me faire niquer ta mère. Ramène ta clique et je ramène la mienne. Je prends tout mon fric et je me barre en Afrique. Ramène ta lionne et je ramène ma hyène. J'ai rien d'une star, je veux refaire l'histoire. Elle est pas assez cool, y'en a pas assez d'hommes. J'ai pleuré l'espoir et tu veux que je te squatte. Eh bien, refais du squat, tu n'es pas assez bonne. Apprends-moi à lire et à écrire, même si ta pensée et ta culture sont vecteurs du mal. Je fais mes sessions dans le secteur du Nord avec la joie, c'est minimum 7h du mat. Dans le cœur, j'ai la haine d'un Palestinien. Je te garantis rien, je veux pas m'en tirer. Je suis pas dans un film à la Tarantino. Je vois le bien se réduire et le mal empirer. On m'a connu dans le bloc, on m'a connu à Herbel. Je reprends le quartier comme DJ. Je veux pas de tes masses, vas-y, nique tous tes morts. Non, mes rêves ont grandi, je veux CJ. C'est qu'ils s'étonnent mon place dans leur studio. Pour me faire la guerre, ils sont stupides. Je suis pas trop connu dans la zik, non. Dans la fitness, dans le stup, oui, et je t'emmerde. Sans m'en atterrir, je pleurais l'espoir. C'est ma tournée. La nuit, je dors pas, je refais l'histoire. Je suis chelouné. Défendre la cause de mon père, ouais. Doubler la dose dans mon terre, ouais. Doubler la force dans mon check, ouais. Je m'arrête. À demain dans la vie, j'avais pas le permis. L'état l'interdit, mais le check le permet. Le vécu est sale, on n'a pas le cœur net. Sur nos téléphones, on n'a pas internet. Propose-moi des plans, je ne veux pas l'intérim. Pas d'intérêt, j'ai une gueule de terreau. Peu de bénéf sur un litron de shit. Moi, je t'en veux pas si tu passes à l'héros. J'ai le dos au mur et je suis face à la rue. Papa et maman sont pas salariés. Client de plaque, je le croise à la rue. Ils m'attendent dans le bus, moi, je suis face à l'arrêt. Remords éternels et rêves éphémères. Je me vois défendre la même cause que mon père. J'ai doublé la dose que je mets dans mon terre. Je peux mourir pour maman, pour le FLN. Le terrain, la zig, j'ai du mal à gérer. J'ai du mal, ma chérie. Ils m'ont mis le bracelet, mais je suis mal enchaîné. Je m'enfuis en Algérie. Ces rebeux fragiles, ils sont sur la sellette. Regarde ma tête, je me couche tard et je me lève tôt. Et je peux niquer ta mère, même après avoir mélangé Jack, Daniel et Selecto. Sors-moi la terre et j'ai pleuré l'espoir. C'est ma tournée. La nuit, je dors pas, je refais l'histoire. Je suis chelouné. Défendre la cause de mon père, ouais. Doubler la dose dans mon terre, ouais. Doubler la force dans mon check, ouais. Je m'arrête jamais.